Ça veut dire t'es étonné, Masraro, qu'est-ce qu'elle est petite. Mais faut mal. Al-Kalimatul Jadidatu, Maq'adun Jam Maq'aid. Il a beaucoup de traductions, tu peux mettre banc, siège, fauteuil, il a akhir. Taïb. Kadaba Yakdebu, mensonge, mentir. Pas mensonge, mentir. Mensonge, c'est juste, c'est un acte. Hein? Ça n'existe pas le verbe mensonge. Taïb, le verbe mentir. Ya Abati, Yusawi Ya Abi. Hein, t'appelles ton papa. Inqalaba yanqalibu, c'est se retourner. T'as fi athna, ça veut dire en plein milieu. La tatkallam fi athna ad-dars. Ah, ou la takhraj fi athna ad-dars. Hakada ma'na. Baka yabki, pleurer. T'as min bab al-fayda, maq'adun. Quand le mim il est meftouh, c'est le mot comme je viens de vous dire, banc, siège. Hein? Mais sinon, si tu lis muqad, c'est quelqu'un d'invalide ou d'infirme. Pour ça, l'importance de bien apprendre les mots. Vous avez vu la différence? Il suffit que tu as mis une dama sur le mime, c'est quoi? Quelqu'un d'infirme ou d'invalide. Quelqu'un a une question par rapport à ce dars? Tout le monde a bien compris, Inch'Allah, que c'est un dors important. La nafia, la nahia. Hein, Rahman? Mohamed? C'est bon? Ouais? Sur le point de. Le khabar était sur le point de se faire. Hein, par exemple, tu dis Kitu akhruju min al-masjid. Tu étais sur le point de sortir de la mosquée. Kitu af'alu kada. J'étais sur le point d'accomplir cet acte. Le fond, j'ai failli faire cela. C'est bon, c'est bon. Ad-dars, sadisa achar. Leçon 16, on va lire, Inch'Allah. Bismillah. Aturidun shay'an min al-Suq. Aturidun shay'an min al-Suq, ya abnai. Ana al-an adhabu ila al-Masjid, wa sa'adhabu ila al-Suq ba'd al-Salat. Na'am. Adhabu ila al-Masjid. Taïb. Na'am. Nuridu ashya'a kathira. ماذا تريد يا عمر؟ أريد قلما. أما عندك قلم؟ بلى عندي قلم أزرق. أريد قلما أحمر. نعم. أبقى عندي مرمون قسم. سيما إلى J'ai pas compris. Après عندي؟ Il est où le mot عندي؟ بلى عندي. عندي. Tu voulais une casserole ou dans قلم, c'est ça؟ Non, regarde bien, tu vas répondre tout seul. Je veux que tu regardes toi-même et tu vas trouver, Inch'Allah. Indi, c'est qui a. C'est toi. Indi. Qalamun. Vous. C'est-à-dire là, c'est quoi? Il est mudaf ou lié al mutakallim. T'as pas dit Inda al-Babi. T'as suivi là, Iman? C'est pour ça, là, il est quoi? Indi. Qalamun. Fahimta, Iman ou non? Voilà. J'ai compris. Toi, tu dis. Tu aurais dit, par exemple, « Hal, aïna qalami, inda al-bab. » Ou « inda muhammadin. » Naam. Naam, mudaf, mudaf ilay. Mais lakin, là, tu as dit « indi. » Ben là, « indi qalamun. » Et c'est quoi la couleur? Azraq. Tu as compris là? Là, voilà. Parce que tu as dit « indi. » Il y a « mudaf ilay al mutakallim. » Allah ybarik fik. Taïb, au suivant. Là, il y a « amru. » Et on verra, Inch'Allah, la différence entre Amr et Omar. Point. Voilà. Bala, walakinna dhaka dhaftara waraquhu ghayru musattarin. Après, tu continues. Très bien. Moussa Tarin. On va traduire, Inch'Allah. Taïb. En tout cas. Répète. Très bien. Mada Turidu Anta Ya Hisham. Au suivant. Ana Ma Uridu Shay'an Al-An. Aina Khouka Ya Al-Hussein. En tout cas, Al-Hussein. Al-Hammam. Mada Uridu Huwa Uridu Halawa. Halawa. Mada Turidna, c'est ça que tu as dit? Mada Turidna,

فعل الفعل تديره كوا هو ضمير مستتر هو قائمة مفعول به وهو مضاف أسماء مضاف له وهو مضاف والطلاب مضاف له طيب سيبونا بارك الله فيكم نعم ماذا تريد سير كيسكو تو